Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. On va parler de baseball. C'est la chronique mensuelle de notre ami Jacques Lancieux, une chronique que j'aime beaucoup faire. Salut Jacques! Ça va bien, Danny? Oui, ça va bien. Vous pouvez me suivre sur jacqueslancieux.com, également sur les médias sociaux. Il y a Jacques qui est très, très actif. C'est une chronique que j'adore faire, puisque une fois par mois, on fait le compte-rendu des Québécois qui jouent dans le baseball affilié. Et ça va bien là, pour nos baseballeurs québécois. On va commencer avec Vladimir, qui est de retour dans le 2A avec les Fisher Cats du New Hampshire. Écoute, moi, je pensais qu'elle allait aller dans le 3. Sportsnet annonçait qu'elle allait dans le 3 à son retour, mais ça n'a pas de l'air le cas. Ça n'a pas de l'air, je ne comprends pas vraiment. Ah, et c'est la majorité des experts du baseball qui croyaient que Guerrero s'en allait dans le 3A. Mais après 4 matchs de réadaptation, 3 dans la Ligue des recrues de Floride, puis 1 dans le A avancé, où il a frappé des coups sûrs dans chacun de ces matchs-là. Ouais. Hier, il était de retour avec les Fisher Cats. Il a eu un bon match, 1-4. Les Siens ont gagné, mais il est pas dans le 3. Ça devrait venir, je présume, s'il continue à frapper comme il frappait avant sa blessure. Une blessure qui l'a tenu à l'écart du jeu pendant 5 semaines, quand même, c'est beaucoup, là. Mais ça a pas l'air d'avoir affecté son élan au bâton. Non. Puis il était déjà beaucoup trop fort pour le 2A. Je comprends pas du tout c'est quoi, là. Tu sais, on est rendu le 20 juillet, là. Tiens, il fait faire un mois dans le 3, puis il l'a emmené au mois de septembre avec les Blue Jays. Je comprends pas alors que les Blue Jays vont avoir droit à 40 joueurs. Moi, en tout cas, je présume qu'il va être monté avec les Blue Jays. Ça serait décevant s'il n'était pas. Ça serait décevant pour les partisans, puis ça serait décevant pour lui aussi pour lui donner sa première expérience dans les majors. On va parler. Ben, on a oublié Russell Martin. Russell Martin qui était avec les Blue Jays quand même une saison très difficile. Je te dirais qu'il est maintenant rendu qu'il partage le travail avec Luke Maley. Il n'est pas nécessairement le receveur numéro un maintenant des Jays. Non, ils sont pas mal tous les deux égales. Ouais. Ils ont à peu près le même nombre de matchs, mais Russell ne frappe pas. C'est ça qui est son problème. Normalement, ses débuts de saison sont difficiles. Généralement, au mois de juin, il commence à frapper plus régulièrement, mais cette année, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il frappe pour en bas de 200. C'est vraiment pas beaucoup. Et puis, il retire pas tellement de coureurs sur les centres non plus. Ça nuit. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec lui dans la saison prochaine. Je pense que c'est sa dernière année actuellement avec les... Non, les... il reste un an. Il reste un an. Ouais. Et c'est beaucoup payé pour un joueur. Ouais. Il frappe pas plus que ça. Sauf que Russell nous a toujours réservé par le passé des surprises. On sait jamais. Là, il s'est reposé pendant quelques jours durant la pause du match des étoiles. Peut-être qu'il va connaître un mois de juillet fantastique, puis il va se retrouver comme d'habitude à fin de saison avec une moyenne de 239-240. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Là. Ça serait bien plaisant de pouvoir le re-suivre de cette façon-là. Effectivement. Donc, moi, je pense qu'il va arriver dans Cole Russell, c'est un poste de receveur numéro 2 qui l'attend après son contrat. C'est un gars qui dirige bien le lanceur. Hein? Oui, c'est un gars qui dirige bien le lanceur. C'est un gars qui a une plus-value incroyable dans la chambre des joueurs. Je pense qu'il pourrait être utile encore aux Blue Jays, mais il faudrait que ça produise un peu plus que ça pour le salaire effectivement. Philippe Aumont. Oh, ça va pas bien pour Philippe Aumont. Va pas bien. Avant la pause du match des étoiles de la Ligue internationale qui a eu lieu à la fin du mois de juin, Aumont a eu 3 départs consécutifs et ça l'a super bien été dans son dernier départ, entre autres. Il y avait son premier départ, il a lancé 3 manches, après ça 3 manches et un tiers. Finalement, son dernier départ, 5 manches. Là, arrive la pause du match des étoiles dans la Ligue internationale. Il est 10 jours sans jouer, 10 jours sans monter sur le monticule. Il passe son tour, dans le fond, comme partant. Puis là, après la pause du match des étoiles, il revient comme releveur encore une fois. On sait, on s'en est déjà parlé, Aumont, lanceur de relève, Aumont, lanceur partant. Oh là, c'est pas... c'est trop. Il y a eu une bonne manche, sa première sortie comme releveur, une manche parfaite, il a retiré les trois frappeurs, même tous les trois sur des prises. Mais cette semaine, mardi dernier, il y a eu une sortie terrible, il a lancé une manche et deux tiers, il a donné quatre points, il a embarqué, le pointage était égal, c'est lui qui a eu la défaite. Depuis ce temps-là, il est pas revenu. Je sais pas ce qui va arriver avec lui, mais pour avoir une chance de continuer sa carrière avec les Tigers de Détroit, il faut qu'il soit plus dominant qu'il est actuellement. OK. Donc, évidemment, c'est dans le cas d'Aumont, ce qui est arrivé, on le dit souvent, c'est que ça l'a brûlé. Tantôt, releveur, on n'a jamais été capable d'y trouver une bonne chaise dans le cas de Philippe. Abraham Taureau. Abraham Taureau, il a été promu dans le 2A. Oui. Il a connu un début avec sa nouvelle équipe dans la Ligue du Texas. Même à son premier match, il a produit 4 points, 2 autres le lendemain. Mais depuis, il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup assagi. Sa moyenne de bâton est actuellement seulement de 209. Il a même, pour une des rares fois cette saison, il n'a pas été de l'alignement partant il y a 2 jours. Mais hier, il a frappé un coup sûr, il n'est pas revenu. Mais Taureau, c'est un frappeur qui a tellement de talent que c'est impossible qu'il ne revienne pas. Ce qu'on pense, en tout cas, ce que moi je pense, c'est que les Astros n'ont pas de place pour lui en haut, ça c'est sûr et certain. Donc, ils l'ont monté au 2A, je pense, pour le montrer, dans le but probablement de l'échanger à une autre équipe. Mais pour qu'il prenne de la valeur, il faut qu'il frappe un petit peu plus qu'actuellement. OK. Un qui va bien, c'est Raphaël Gladue. D'ailleurs, je vais tenter de lui parler, Raphaël Gladue, la semaine prochaine dans ma tournée. Lui, il est au A-fort maintenant, puis ça va bien, hein? Ben, ça a été bien à 2 matchs. Ah, OK. Le reste du temps, il a de la misère à s'adapter, je pense. Okay, okay. Ben, il faut dire qu'il est dans la Florida State League. Florida State League, c'est la classe A avancée avec les meilleurs prospects lanceurs du baseball. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Sauf qu'à un moment donné, il a eu un match de 4 points produits. Il a produit les 4 points de son équipe qui ont remporté la victoire. Il joue pour l'équipe des Mets à Port-Saint-Lucie. C'est une équipe qui est en arrache, qui est en dernière position dans sa section. Et c'est sûr que Gladue, il arrive au bâton, puis il n'y a pas de bon frappeur avant lui, il n'y a pas de bon frappeur après lui, fait qu'il n'y a pas beaucoup de bons lancers. Il a connu un match de 3 coups sûrs, un match de 4 points produits. Hier, il a eu un coup sûr, mais sa moyenne est en bas de 200, puis c'est nettement en bas de ce que Gladue est capable de faire. Il faut qu'il s'adapte à ce circuit-là où il y a les meilleurs lanceurs du baseball, les meilleurs prospects du lanceur. C'est ça qui est un petit peu difficile. Ça, c'est la même filiale, la même ligue que Dunedin, c'est ça? Oui, c'est ça. Effectivement, Vlad était demeuré un petit peu plus longtemps avec Dunedin, il l'aurait peut-être affronté. OK. Il y a un autre Québécois qui est dans leur force, c'est Charles Leblanc. Lui, je pensais qu'il allait monter au 2A, lui. Charles a eu un bon début de saison. Ouais. Il a même été choisi sur l'équipe d'Étoiles pour participer au match des Étoiles de sa ligue. Depuis un bout de temps, c'est un petit peu plus tranquille pour lui au bâton. Il a eu 4 coups sûrs dans ses 10 derniers matchs. C'est pas beaucoup, mais c'est un peu comme Taureau. Leblanc, c'est un frappeur. Il a du talent à revendre. Il va se retrouver rapidement. Sauf que là, dans ces ligues-là, quand on produit pas, on joue pas. Fait que les 3 derniers matchs, il a pas été régulier dans 2 des 3. Fait que il faut qu'il retrouve son œil au bâton. Il faut qu'il se remette à frapper des coups sûrs pour pouvoir jouer. OK. Il y en a un autre que j'ai parlé la semaine passée. Il s'appelle Benjamin Pelletier. Benjamin Pelletier, c'est le joueur que j'aime le plus dans les Québécois actuellement parce que c'est un jeune. Il a 18 ans, Benjamin Pelletier. Il est déjà à sa 3e saison dans l'organisation des Mets. Il a eu 2 saisons dans la Ligue des recrues de la Gulf Coast League. L'an passé, ça a été le meilleur frappeur de l'organisation des Ligues mineures des Phillies. Cette année, il est dans la Ligue New York Penn. Il va très, très, très bien. Hier, il a frappé un autre circuit. Il a produit 2 points. La seule chose, c'est qu'il joue pour une équipe un petit peu comme Gladue, qui en arrache. Donc, il est pas tellement bien protégé quand il arrive au bâton. Mais malgré tout, il réussit à... Il a joué 29 parties depuis le début de la saison. Il a 29 coups sûrs, puis il a 18 points produits. C'est quand même un très bon frappeur. C'est un gars puissant. Il a 6 doubles, 3 triples, 2 circuits. Fait que c'est un joueur qu'on... on pourrait voir monter rapidement dès l'an prochain. C'est à suivre. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que là, moi, je les connais pas, les autres. Là. Il y en a un autre. Ouais. C'est Jonathan Lacroix. Jonathan Lacroix, c'est le gars qui a remplacé Abraham Toro avec le Seminole College okay. il y a 2 ans. Les Astros l'ont repêché tout à fait comme Abraham Toro. Mais à sa première saison, il est arrivé là au camp d'entraînement avec une blessure. Il n'a pas joué l'an passé. Cette année, il est vraiment à sa première saison dans le baseball okay. professionnel. Il a commencé très, très, très, très lentement. Voilà un mois, il frappait en bas de 200. Mais là, dans ses 11 derniers matchs, il a mis la balle en lieu sûr 9 fois. 9 matchs où il y a eu des coups sûrs, dont 2 matchs de 3 coups sûrs. Il a monté sa moyenne à 241. Il joue de plus en plus régulièrement. Ça veut dire qu'au lieu d'être une fois sur 3 sur l'alignement, il est rendu à 2 fois sur 3. Ah, okay. C'est quelqu'un qui prend de l'assurance, qui prend de l'expérience, parce que faire le saut d'un junior college au niveau A professionnel, c'est quand même un gros step. Mais Jonathan, il va très bien, puis j'ai confiance qu'il connaisse une bonne fin de saison pour l'an prochain se retrouver dans la classe A avancée des Astros. En okay. tout cas, c'est tout ce que j'espère. Dis-moi, Édouard Julien évolue pour la Cape Cod. La Cape Cod, c'est une ligue d'été où on trouve les meilleurs prospects du baseball collégial américain. Ça, c'est ça. Donc, est-ce que tu as des nouvelles? On n'a pas de nouvelles, Edouard? Non, j'en donne pas beaucoup parce que ça va pas tellement bien. Ah non? OK. Non. Ben, il faut dire que la Ligue de la Cape Cod, là, c'est vraiment les meilleurs espoirs du baseball collégial. Okay. Et c'est une ligue, contrairement au baseball collégial, qui utilise des bâtons de bois. Ah. Justement, entre l'aluminium où il a joué à Auburn, il y avait des bâtons aluminium, et le bâton de bois, c'est pas facile. Fait que Julien a pris, après sa saison à Auburn, il a pris 2 semaines de congé pour se remettre un peu de son année scolaire. Il s'est présenté à Falmouth avec son équipe dans la Ligue du Cape Cod. Il en arrache. Il frappe un petit peu au-dessus de 200. Et il a eu les 7-8 premiers matchs. Il n'a pas frappé de coup sûr. Là, il a recommencé. Avant hier, il a frappé 2 coups sûrs. Ça se replace. Mais l'adaptation au bâton de bois est pas toujours facile. C'est sûr qu'aller jouer dans ces ligues-là aux États-Unis, ça donne beaucoup de visibilité parce qu'il y a beaucoup de dépisteurs, tout ça. Sauf qu'après avoir connu des grosses saisons, des longues saisons dans les collèges américains, ouais. moi, il me semble qu'ils devraient revenir au Québec. Au Québec, on a quand même, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, on a quand même du bon calibre et on joue avec des bâtons de bois. Ça permet aux gars de se replacer puis d'arriver dans les collèges américains après ça puis avoir moins de pression de toujours avoir à performer parce qu'on est contre les meilleurs puis qu'il y a plein de dépisteurs dans les collèges. Julien peut pas être repêché dans les 2 prochaines années, donc la visibilité qu'il y a actuellement, ça lui sert pas tellement bien. Là. Je pense qu'au Québec, ça aurait peut-être été bon qu'il s'en rapporte. Mais en tout cas, c'est une opinion. La plupart des gens pensent que c'est très bien parce qu'il joue contre les meilleurs. Donc, en jouant contre les meilleurs, on s'améliore beaucoup. Mais il faut aussi penser que 12 mois de baseball par année, c'est beaucoup. Puis il me semble qu'un petit peu de baseball moins compétitif au Québec, ça aurait peut-être été bon. OK. Donc, on se reparle le mois prochain, Jean. Ça va me faire plaisir. Notre collaborateur Jacques Lancio, vous pouvez le lire à tous les jours sur jacqueslancio.com, également sur les médias sociaux.